les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Où est donc passé Nino ? A-t-il perdu les clés de la maison, près de la fontaine, dans le Quercy blanc ? C'est vrai qu'il perd tout, mais il ne veut pas qu'on se moque de lui. On tente de le joindre sur son portable, mais jamais personne ne répond. On l'a cherché partout, chez sa tante de Saint-Flour, chez Célestin, son oncle académicien, et chez Madame Robert, évidemment. Son copain Bismarck, qui faisait cornac dans un cirque et traduisait Pétrarque en turc à Dunkerque, n'a plus aucune nouvelle de lui. Certains ont prétendu l'avoir croisé à la Jamaïque. Il y boirait du rhum jusqu'à en être noir, comme Mamadou Mémé et Otis Redding. D'autres affirment l'avoir vu, déguisé en clergyman, pilotant un dirigeable sur la ligne Abidjan-Sydney. Pourquoi pas ? Il a bien eu sa période Mao. À moins qu'un jour d'août 98, lassé qu'Agatha le ruine et l'assassine, Nino Ferrer ne soit parti loin pour un pays qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Une vie, une œuvre. Bonjour à vous tous et merci d'être là. Notre portrait aujourd'hui, celui d'un chanteur et compositeur franco-italien qui qualifiait son style de lyrico-dérisoire, son nom Nino Ferrer, 1934-1998. Nino Ferrer, ou plutôt Ferrari, est un fils de la bourgeoisie italienne qui naît à Gênes d'une mère française et grandit en Nouvelle-Calédonie d'abord, puis à Passy ensuite, suivant son père ingénieur qui travaille dans l'exploitation du nickel. Avant d'être chanteur, il étudie l'ethnologie et l'archéologie préhistorique à la Sorbonne, tout en écrivant et en peignant, car dit-il « Pour moi, l'imagination reste la fonction cérébrale la plus séduisante. Il se trouve par ailleurs que je suis depuis toujours poussé à traduire en langage artistique les émotions qui me bouleversent. » En une vingtaine d'albums et 200 pièces sonores, Nino Ferrer est passé du rhythm and blues dans les années 60 au pop-rock dans les années 70, avant de terminer sa carrière par l'exploration de nouveaux territoires et notamment de chansons psychédéliques. Français, anglais, italien, il chantait dans plusieurs langues et traduisait souvent ses titres. Le Sud devait au départ s'appeler The South. Cette chanson, justement, elle a été écrite à l'été 75 et parlait de sa maison à Rueil-Malmaison, près de Paris. Mais c'est à La Taillade, dans le Lot, qu'il a passé les 20 dernières années de sa vie. Et c'est là-bas que Jérôme Sandelaar s'est rendu pour tourner le documentaire que vous allez entendre et qui est réalisé aujourd'hui par Viviane Noël. France Inter. Le corps de Nino Ferrer a été découvert en début d'après-midi dans un champ à 3 km de la propriété où il vivait depuis une vingtaine d'années. C'est son épouse qui a alerté les gendarmes après avoir trouvé une lettre dans laquelle le chanteur expliquait son intention de mettre fin à ses jours. Nino Ferrer devait fêter ses 64 ans samedi prochain. Dans le petit village de Saint-Cyprien, près de Montcuq, dans le Lot, tout le monde connaissait le chanteur de Zavé pas vu Mirza ou Gaston y a le téléphone qui sonne. Là-bas, il menait une vie tranquille, loin des paillettes du showbiz. Rares étaient ses apparitions publiques. Son dernier album, c'était il y a 4 ans. Depuis, Nino se consacrait à la peinture, son passe-temps favori. Toulouse, Isabelle Delhaute, France Inter. Nino, le malentendu. Bonjour. Bonjour. Où est-ce qu'on se trouve là, alors ? À La Taillade, à Saint-Cyprien, dans le Lot, terre des merveilles. Je suis arrivée ici en 1977 avec Nino. Nous avons eu un coup de cœur sur cette maison et en septembre 77, on est venu ici, on a tout transporté. C'est un bonheur de vivre ici. Voilà. J'entendais les oiseaux, le chien qui souffle. Et il y a même des truffes ici. Il y a des chênes truffiers. C'est l'or noir. Comment je dois vous appeler ? Jacqueline ou... Non, je m'appelle Kinou, en fait. Et vous êtes l'épouse ? De Nino Ferrer. Une très belle demeure en pierre, ouais. Avec un grand jardin autour. Oui. C'est une maison magnifique, c'est une maison forte qui a été construite en 1430. Et c'est un véritable paradis. Donc c'est une grande cour en forme de un peu de patio. Oui, exactement. C'est la pièce où on est le plus en été parce qu'il y fait bon, il fait pas trop chaud et je sais pas. Ça, ce qui est bien, c'est que ça donne accès à toutes les pièces. Là, ça va manger. Voilà un bateau dont Nino a fait les voiles. Là, il y a des œuvres de Nino. Des toiles. Oui. Des femmes avec plutôt des rondeurs. Oui, comme la région ici, parce que ce qui plaisait, ce qui nous a plu tout de suite à Nino, c'est ce côté très vallonné de la région. C'est doux. Il y a le chien qui nous suit. Et qui râle. Ouais. C'est quoi votre vie là-bas ? Ben c'est très différent, très varié, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe, parce qu'il y a des animaux, parce qu'il y a souvent des problèmes d'argent, parce qu'il y a souvent des voyages à faire, etc. Donc ça change tout le temps, il n'y a pas de règles. Des moments où je me lève tôt, des moments où je me lève tard, des moments où je fais de la peinture, des moments où je suis en travaux, des moments où on a des problèmes, des moments où c'est génial, il y a tout. Enfin, c'est un petit monde, oui, c'est une butte. Ça ressemble un peu à la planète du Petit Prince, un petit peu. Hein. Ah. Parce que c'est dans un univers de collines, et ma maison elle est placée de telle sorte qu'on voit l'univers en rond autour de soi, c'est assez étonnant. Il était extrêmement manuel, il adorait bricoler, il faisait tout. Ouais, il faisait tout. C'est vrai qu'il passait. Pierre Ferrari. Alors il jouait dans le salon de la guitare, il posait sa guitare, il allait réparer une petite sculpture, une petite statuette qui était cassée depuis 25 ans au fond d'une boîte. Ou alors il allait gratouiller la terre pour trouver des truffes et pour apprendre à bien repérer les mouches qui indiquent l'endroit où sont les truffes dans la terre. Ou là il allait gratter la terre pour creuser au fond d'une grotte qu'il avait découverte et pour trouver des bouts d'ossements ou de flèches. Et puis après il allait reconstruire un mur en pierre avec ses mains. Et puis après monter à cheval, s'occuper des chevaux, réparer les barrières, les clôtures. Et puis après il prenait un autre instrument, il se mettait au piano et puis après il écrivait et ça s'arrêtait jamais. Jamais. Il était tout le temps en train de faire quelque chose. Je dirais même que quelque part, même la contemplation est une action en elle-même. Donc ça faisait partie de sa nourriture et de sa création. Donc il était en action tout le temps. La peinture, c'était quelque chose d'important dans le quotidien de Nino ? Oh, absolument, oui. C'était vraiment, il était vraiment apaisé quand il peignait. C'était vraiment la musique. La peinture, vous avez besoin de rien, d'une toile et des pinceaux, et c'est parfait. Alors que la musique, ça engendre beaucoup d'organisation et beaucoup de complications. Non, non, ça a été vraiment une période magnifique pour lui quand il s'est mis à peindre. Ouais, il était apaisé, il adorait ça. Voilà, ça c'est un meuble qui appartenait à mes beaux-parents. C'est un meuble Renaissance magnifique qui s'appelle un stipo, qui est plein de secrets. Mon père, il était ingénieur. Ma mère ne faisait rien. Petite vie tranquille, et moi j'étais un garçon bien. Christophe Comte, quelques mots sur le milieu dont il est issu, Nino Ferrer. Alors il est pas du tout dans un milieu de saltimbanque, mais il est dans un milieu extrêmement cultivé. À la fois son grand-père, son père, sa mère sont des gens qui ont une éducation. C'est quelqu'un qui, de toute façon, dont la musique sera pour lui une sorte d'échappatoire aussi à l'univers familial qui est plutôt classique, y compris musicalement. La musique qu'on écoute chez lui, c'est de la musique classique. C'est quelqu'un qui a vécu dans des milieux plutôt aisé, mais qui en même temps, grâce à la musique, va s'encanailler, va retrouver à travers le jazz, à travers aussi les copains qu'il a dans le milieu musical, une certaine forme de vie de bohème qu'il n'avait pas vécu précédemment. Nino Ferrer, pourriez-vous nous dire comment vous avez débuté ? Eh bien, j'ai débuté d'une façon assez spéciale. J'ai débuté en faisant de l'archéologie. En effet, j'étais musicien de jazz amateur pendant que je faisais mes études. Et puis, finalement, quand j'ai terminé mes études, je me suis aperçu que je pourrais abandonner plus facilement l'archéologie plutôt que la musique. Alors, j'ai décidé de me lancer à corps perdu dans la musique et de devenir musicien et chanteur professionnel. Voilà. Mais on a commencé à parler de vous, surtout quand on disait de vous que vous vous inspiriez de Ray Charles. Oui, ben, je me suis toujours inspiré, pas spécialement de Ray Charles, si vous voulez, mais de tous les chanteurs noirs américains de blues et de rhythm and blues, entre autres Ray Charles qui était le plus connu en France à ce moment-là. Oui, alors pourquoi vous puisez votre inspiration chez les musiciens noirs? Ben parce que c'est la musique, le rhythm and blues et le jazz, enfin c'est la musique que personnellement me frappe le plus et que j'aime le plus. Vous savez, c'est très difficile parce que la langue française ne se prête pas beaucoup à ce genre de musique. Et puis d'ailleurs, j'ai toujours essayé de chanter à la façon des noirs américains. Et en fin de compte, je n'y arriverai jamais, parce que je n'ai pas... C'est une question de conformation physique, alors donc je n'y arriverai jamais à chanter de la même façon que... Et donc c'est un regret pour moi. Et indépendamment de ça, il y a aussi un côté social. Vous savez, moi, il y a une chose que je n'aime pas, c'est le racisme, la ségrégation raciale, que ce soit vers les Noirs, ou vers les Juifs, ou vers les Algériens, ou vers qui que ce soit. Je ne peux pas supporter ça. Monsieur James Brown, s'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Manu Dibango, dans quelles circonstances vous avez rencontré Nino Ferrer et comment vous avez été amené à travailler avec lui? Ben, comme dirait l'autre, je l'ai rencontré comme au 421, plusieurs coups quoi. Le premier coup, j'ai rencontré Nino, il avait un trio et il jouait dans une boîte qui s'appelait le Black and White à la rue de Rennes, qui appartenait donc à Samba et Khan, les gens qui faisaient les belles nuits des années mi-60. Donc on a fait connaissance, sans savoir qu'un jour d'ailleurs, il serait vedette, qu'on serait amené à travailler ensemble. Et ensuite, le hasard des choses a fait que je me suis trouvé pianiste de rock de Dick Rivers. Et puis, il se trouve que l'orchestre de Dick Rivers devait faire une première partie en banlieue d'un certain Nino Ferrer, qui, entre-temps, est devenu une vedette, parce que il avait déjà fait Le Téléphone, il avait déjà fait Mirza et tout ça. C'était un gars en pointe qui montait parmi les clos-clos et tout ça, les schmolls et tout ça. Voilà, ce gars-là qui arrivait avec une tonalité beaucoup plus soul et beaucoup plus funky, parce qu'il chantait, il avait des tripes. Donc j'ai connu le musicien, bassiste, guitariste, et ensuite la vedette. Et il se trouve que c'était un dimanche, un après-midi d'ailleurs. Donc on arrive à la répétition, et puis voilà Nino qui me voit jouer de l'orgue. Comme ça, il me dit « Ah, tu joues de l'orgue ?» Je dis « Oui, oui, ça va. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner ?» Ben oui, je dis c'est possible, hein. parce que, dit-il, mon organiste s'en va ouvrir un studio CBE, Estardi, qu'on appelait Baron Estardi. Bernard Estardi. Ouais. Voilà. Je dis oui. Et donc, je vais répéter avec lui. J'avoue que j'ai travaillé dur. Hein. C'est l'une des rares fois où j'ai travaillé vraiment dur le truc, quoi. J'étais pas sûr. Et puis, il avait un grand orchestre. Il avait des cuivres, trompettes, sax, trombone et tout ça. Et vraiment, et dans le style d'ailleurs de Memphis, style Otis Redding, il y avait un très bon orchestre derrière lui. Puis 15 jours après, il me rappelle, donc il avait une tournée à travers la France, une quarantaine de concerts. Voilà parti dans une aventure extraordinaire, parce qu'en plus, faut tenir compte du fait que j'étais noir, certes, mais africain. Et c'est la première fois qu'une vedette prenait un Africain dans son orchestre, vous voyez, dans le contexte. Hein, et en plus, il avait une Bentley et moi, je faisais la tournée avec lui. Et les autres, ils avaient le bus ou les bagnoles personnelles et tout ça. C'est bien que, bon, quelque part, il m'a mis en haut. C'était le début, l'entrée formidable de la soul music ici. James Brown, Wilson Pickett, Otis Redding, toute cette époque soul de la musique, les Temptations et tout ça. Il adorait ça. Il avait fait une adaptation, d'ailleurs, de James Brown, Si tu m'aimes encore. Et là, il chantait cette chanson d'une façon magnifique. Mais c'est jamais devenu un tube. C'est l'un des rares qui a pu adapter cette chanson, mettre des paroles françaises là-dessus et que ça collait bien. Et l'orchestre était très joyeux quand on devait jouer ça, on était très heureux, quoi. Dis-tu m'aimes encore ? Dis-tu m'aimes encore ? Ne me laisse jamais, jamais. C'est un boulot de chaque instant, et Nino effectivement travaillait tout le temps. Il était tout le temps avec une guitare à la main, ou un pinceau, ou un stylo, et parce qu'il ne dissociait pas quelque part, il n'y avait pas plusieurs cases, il n'y avait pas la vie professionnelle et la vie familiale, tout était ensemble. Le studio était dans la maison, donc s'il fallait l'enregistrer, c'était maintenant, c'était tout de suite, et puis ça, de toute façon ça travaillait toute la nuit, il enregistrait tout le temps, et ça répétait, et ça répétait, et ça répétait. Vraiment. Comme beaucoup de compositeurs et d'interprètes, je crois que vous avez monté votre propre studio d'enregistrement. C'est une mode qui semble d'ailleurs se développer. Pourquoi ? Non, c'est pas une mode, c'est une nécessité. Parce que je ne suis pas un chanteur, je ne sais pas chanter. Je ne suis pas non plus un très bon musicien. Ce que je fais est assez empirique. Ce que je peux arriver à faire, à apporter à la musique, c'est parce que j'ai un certain enthousiasme intérieur que j'appellerais un feeling. Et ce feeling, c'est pas dans des studios ultra professionnels avec du matériel très sophistiqué que je peux l'obtenir. Je peux l'obtenir dans un endroit où j'ai le temps et la paix et le calme. Où est-ce qu'on arrive là, Arthur ? On rentre dans la grange où j'ai fait suivre en fait tout le studio qu'il y avait à côté dans la grosse maison. C'est-à-dire le studio qui appartenait à ton père, ouais, qui était là-bas dans une grande pièce de la maison, mais qui était vraiment juste dans une seule pièce. Et après, pour les enregistrements, il mettait un peu les musiciens et les instruments dans toutes les pièces, mais la pièce principale dédiée au son, au studio, était qu'une seule pièce. Alors que là, on va dire que pratiquement la totalité du bâtiment est dédiée au studio. Et on retrouve des instruments de Nino ? Oui, des basses, beaucoup de basses, ses premières basses, comme cette basse Favino qui s'était fait faire en 67, sur mesure. Parce qu'il est venu avec quelques éléments, sa tête de lion, il a demandé à Favino de graver ses initiales sur la tête, et elle est peinte en doré. quand ils faisaient l'Olympia par exemple en 66 avec Estardi et Richard Hertel, ils étaient que trois sur scène et Nino faisait la basse et il jouait sur cette basse avec un corps violon, elle est peinte en doré pour l'aspect visuel et scénique de l'époque. Tout était en bois doré, les costumes avec chemise à jabot, des vestes en velours, ouais. Il y avait... On va écouter le son, tu vas voir. Par exemple, l'intro de Mirza, qui est très typique sur ce genre de basse. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la la la la la. Veux-tu venir ici? Oh yeah, satané Mirza. Et là alors, c'est quoi cet instrument? C'est le genre de clavier, de petit orgue qu'utilisait Bernard Estardi à côté de Nino sur les scènes, qui en plus dans son petit meuble genre Louis XV, un peu baroque, enfin tout ça, moulure dorée. Et c'est le genre de clavier typique qu'on va retrouver sur les morceaux comme les Cornichons, et toute cette vague-là en 65 aussi, qu'on est encore dans la même époque. On a, alors je ne sais plus en quelle tonalité c'était exactement, mais on a ce genre d'intro des Cornichons. De la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Il a fait des choses absolument remarquables, notamment dans le registre de la chanson un peu légère, c'est-à-dire des choses comme Mirza, comme les Cornichons. Quand on les réécoute aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est extrêmement bien fait, que tout tombe absolument parfaitement, que ce soit la musique, les textes, tout ça, et forme un ensemble très, très fort. Et pendant des années, lui repousse ces choses-là comme vraiment des choses vulgaires, des choses qui lui ont apporté à la fois la gloire et qu'il aurait aimé voir disparaître de son catalogue. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond chez lui. Il détestait que les gens viennent le voir dans la rue et lui disent « il y a le téléphone qui sonne » ou « vous n'avez pas vu Mirza ». Toutes ces expressions qu'il avait inventées et qui ont intégré vraiment la langue française, sont des choses quand même que les gens aujourd'hui ont continué à dire « il y a le téléphone qui sonne », parfois sans même se souvenir que c'est Nino Ferrer qui l'a inventé. Et ces expressions-là qui sont très importantes pour lui, au bout d'un moment, le déranger, le gêner. Même Salbette va, je crois, à la fin de Mirza. Exactement, ou Bernadette, elle est très chouette. On entend ça maintenant partout, notamment avec Bernadette Chirac, à un moment on entendait ça. C'est des expressions quand même très très fortes, un peu comme celles qu'ont amené des gens comme Bobby Lapointe, des gens comme ça. Des trouvailles de langage assez fortes qui sont dans la lignée de Queneau, de gens comme ça. De Prévert, d'avant aussi. De Prévert, tous ces inventaires un peu farfelus. Et aussi de Pérec, je pense qu'il y a quelque chose de Pérec chez Nino Ferrer. Donc tout ça était quand même pour lui une marque de reconnaissance, y compris de la part de ses pairs, et lui voulait absolument s'en détacher. Et en même temps, le paradoxe chez lui, ça a toujours été de vouloir la gloire et de détester la façon dont il était arrivé à la gloire. Comment il composait Nino Ferrer? De plusieurs façons. Parfois, c'était d'abord des textes et il mettait de la musique dessus. Diane Véret. Ou le contraire, il n'y avait pas vraiment de règles. Mais ce qui se passait, c'est que quand ça arrivait d'un coup. Que ce soit, par exemple, l'écriture, quand il se mettait à écrire, il écrivait pratiquement sans aucune rature. Et c'était vraiment un élan très spontané. C'était souvent sous un coup d'émotion. Parce que Nino était très émotif, hein, très passionné. Et donc, par exemple, ça pouvait être un morceau écrit à la suite d'une révolte contre quelque chose, comme par exemple son titre « Télé Libre » qui est dans Ex Libris. Donc là, c'était sa révolte sur... À l'époque, il n'y avait pas encore les radios libres. Et donc, il disait que c'était vraiment important que ça existe. D'ailleurs, j'ai pu constater à Radio France quelques années plus tard que ce disque était tamponné avec un gros tampon rouge interdit d'antenne. Donc, c'était un rebelle aussi. Donc, il avait cette écriture aussi en réaction. Mais il pouvait aussi avoir une écriture d'amour, pour oublier qu'on s'est aimé dans les années 60, qui est une sublime chanson d'amour, Un an d'amour, qui a servi au film d'Almodovar, Un agneau d'amour. C'est une chanson écrite par Nino à 18 ans, d'une traite sur son cahier, sur son journal de bord, qui a ensuite été donc repris par plein d'autres gens. Mais c'est vraiment quelque chose de très personnel qu'il a écrit, toujours à la suite d'une grande émotion qu'il ressentait. Je sais que c'est fini. Je sais, mais je t'en prie, écoute-moi quand même, écoute-moi, car je t'aime. Depuis qu'on s'est quitté, je suis seul, étonné, mes jours sont tellement longs et vides et obsédants. Je suis seul. Et je me souviens d'un an d'amour, les matins indolents, les soirs de pluie, les vacances et le vent, et ton corps blond de soleil et de sable. Un an d'amour, c'est irréparable. Je ne suis pas très productif, je n'ai pas des centaines de chansons dans mes fonds de tiroir, je n'ai jamais été comme ça, je n'ai jamais une chanson d'avance, c'est-à-dire que quand je me mets à penser à un disque, je compose et j'écris le nombre exact de morceaux qui iront dans ce disque, et il n'y en a pas un qui saute, il n'y en a pas un qui viendra s'y rajouter. La seule chose, la seule règle que j'ai découvert dans ma technique de travail, c'est que je ne peux pas maîtriser la composition ou l'écriture ou quoi. Je ne peux pas, absolument pas. Je peux juste essayer de me mettre dans les bonnes conditions pour déclencher l'état favorable à la chose. C'est tout. Donc j'essaye de vivre. C'est quoi les bonnes conditions? Mais c'est que j'ai une espèce d'euphorie à l'intérieur, c'est que je ne sois pas fâché avec personne. Ça arrive? Oui, oui, ça arrive très souvent. Très souvent. Ben, vous me trouvez agressif, là. Non, c'est vrai, je trouve très gentil. Mais j'ai envie de vivre en bonne harmonie avec le monde entier. Hein. Ouais. Mais il faudrait que le monde entier, alors, réponde à vos règles à vous. Parce que je pense que les règles de vie, en ce moment, dans le monde, sont un peu confuses, d'une part, et pas très bien, quoi, c'est tout. Je pense que j'aurais été plus à l'aise, en fait, au XVIIIe siècle, ou même au XIIe, à l'époque de l'amour courtois, en fait. J'aurais préféré, je crois. Nino, il était imprévisible. Il prenait un coup de sang, tu ne savais pas à quel moment, ni à quelle heure. Et dans le métier, il était connu comme quelqu'un qui était soupolé, quoi. Je veux dire, vraiment complètement imprévisible, mais il piquait des crises comme un môme. Hein. Manu Dibango. Des fois, ça durait 5 minutes, il boudait. Et puis après, il reprenait la guitare, comme si rien ne s'est passé. Il faisait des crises comme ça, quoi. Et le pendant de ces crises de colère, c'était aussi quelqu'un de très tendre, généreux. De très, très généreux. Quand on avait fini un concert, qu'il était très content, ben, il invitait tout le monde au restaurant. Et puis, il y avait du monde autour de lui, quand même. Il y avait l'orchestre, il y avait des amis. Il avait, si tu veux, il avait le portefeuille généreux avec les musiciens, quoi. Vraiment, c'était un bon vivant. Des fois, on s'arrêtait quelque part, quand on était en tournée, dans une forêt. Allez, il avait envie de faire un méchoui. On allait acheter un mouton en ville. Et il y a des photos où on fait du méchoui en pleine campagne, quoi. Tu vois, quand on avait un day off. Bon, voilà. Et puis, Et on me faisait un feu de camp le soir, on mangeait là, et puis on allait, souvent on dormait dans les bus, parce que des fois on n'avait pas le temps de louer une chambre d'ailleurs. Et le bus, il y avait des couchettes, on faisait tout dans le bus. Donc ça lui prenait de faire ce genre de truc gargantuen, un peu gargantuen quoi. J'étais en train de jouer comme ça, je pianotais. Et il a écouté un morceau que j'étais en train de pianoter. Et il me dit, mais c'est de qui ce morceau? Et je dis, bah, c'est de moi. Et il me dit, waouh, c'est toi qui as fait ça, mais c'est superbe. Et est-ce que tu serais d'accord pour que je l'utilise dans mon prochain album? Alors, moi, j'étais un petit peu interloquée, mais super heureuse. Et j'ai dit, mais bien sûr. Et voilà, et c'était un morceau qui s'appelle Le Plan de Rome, qu'il a utilisé dans l'album Rock'n'Roll Cowboy, qui est sorti, je crois, en 83, il me semble. Oui, en 83. Et vous jouez dessus ? Non, pas du tout. Je ne sais pas moi qui ai joué le piano. Nino, je lui ai appris le morceau. Et c'est lui qui l'a joué. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup sa façon de le jouer, qui est beaucoup plus jazzy que ma façon, qui était assez classique. Et lui, il y a vraiment son feeling jazzy, qui a été une des choses qui m'a vraiment attirée dans sa manière de jouer en tant que musicien. C'est-à-dire qu'il a vraiment une formation de musicien de jazz. Et il avait vraiment il a fait vraiment le pont pour moi entre les deux. Il a vraiment intégré le jazz dans le rock dans le jazz. Et il n'y avait pas, justement, il ne cloisonnait pas. Et tout ce, il arrivait vraiment à passer d'un feeling à l'autre d'une façon très fluide. De même que j'ai aussi bien aimé les Rolling Stones que les Beatles, ben c'est la même chose. Et je pense que Nino, c'est ça aussi, c'est aussi bien les Rolling Stones que les Beatles, que aussi un musicien comme Miles Davis, il a aussi son feeling jazz aussi très fort dans sa musique, on le retrouve dans plusieurs morceaux. D'ailleurs, par exemple, la Carmencita, dans cet album, il y a un titre qui est très jazzy qui s'appelle La Maison, Tontaine et Tonton. Et donc là, on sent vraiment complètement le jazzman dans cette chanson, de même que La Maison près de la Fontaine, qui est quand même, on sent vraiment son influence musicale. Et voilà, et donc le pont entre les deux, la manière d'être capable d'intégrer même les deux presque dans le même morceau, c'est aussi une des qualités du musicien qu'il était. Yann Verrevo, vous avez donc longtemps travaillé aux côtés de Nino, en tant que pianiste, choriste, ingénieur du son, vous avez retranscrit certains de ses textes. Comment ça se passait en studio avec lui ? Comment travaillait-il ? Il travaillait sans regarder l'heure, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'une fois qu'on entrait dans un studio, c'était on entrait dans une grande aventure. Et là, on était très attentifs. Tout le monde, tout autour, était très attentif à la création qui allait se dérouler dans le studio. Et c'était très intense. C'était très passionné. Et Nino était très perfectionniste, donc on pouvait passer par exemple des heures sur une note. Ça pouvait arriver, surtout pendant les mixages par exemple, essayer de trouver le son qui lui convenait. Et puis aussi, il y a une part aussi d'improvisation qui était toujours là. Il était ouvert aux suggestions des musiciens qui l'entouraient ou pas ? Il était assez directif, mais il était quand même à l'écoute. Par exemple, je me souviens de travailler avec, par exemple, Mickey Finn. Parfois, Mickey partait sur un solo de guitare, et là, Nino était époustouflé quand Mickey était vraiment inspiré par ce qui se passait là de magique dans le studio, et il y avait tout le monde ressentait la même émotion en même temps. Et là, bien sûr, il était ravi de se laisser emporter par la création musicale des musiciens autour de lui. Mais sinon, c'est vrai qu'il avait une idée assez précise de ce qu'il avait envie d'écouter, de faire, de créer. Ça pouvait passer parfois par des colères, des coups de gueule Ah oui, ça pouvait passer par des colères, des coups de gueule, et effectivement, passionné à l'italienne, à fond, avec des portes qui claquent, des instruments qui tombent par terre et qui se cassent. Mais ça fait partie du personnage entier qu'il était, effectivement, avec un caractère bien trempé. Puis aussi, de par son éducation, Nino était aussi un aristocrate italien. Donc, il avait c'était un prince, mais ça pouvait être aussi un rock'n'roll cowboy rebelle qui pouvait aussi, d'un coup, avoir une attitude totalement différente et insulter quelqu'un sous le coup de l'énervement. C'est-à-dire, oui, très contrasté, mais oui, très contrasté et paradoxal parfois, comme je pense qu'on peut l'être tous, mais c'est vrai que c'était très extrême chez Nino. C'était jamais tiède, c'était toujours très extrême. Il batterista dei rocchetti vuole l'aumento, se no ci pianta tutti. Io gli dico mangia questa minestra oppure salta giù dalla finestra. E allora viva la musica, l'arte e la libertà. L'Italie a toujours été très profondément ancré en lui, c'est les choses qu'il a envie de transmettre aussi à ses enfants. Régulièrement, il les amène en Italie. Pour lui, c'est vraiment sa patrie. La carrière italienne de Nino Ferrer en tant que chanteur, on la mesure pas vu d'ici, mais elle a quand même été très importante. C'est-à-dire que chacun, quasiment, de ses tubes des années 60 ont été chantés en italien, même s'il les a aussi chantés en allemand ou en d'autres langues, mais principalement en italien. Et surtout, il a été une vedette de la télé italienne comme on ne peut même pas l'imaginer. C'est-à-dire que quand il a débarqué en Italie à la fin des années 60, quand on voit les images aujourd'hui, évidemment, c'est une pile électrique. Il est un peu comme Claude François, d'une certaine manière, quand il présente des shows à la télé. C'est-à-dire qu'à la fois, il danse, il plaisante, il présente d'autres artistes, mais il est lui-même, il se met en scène comme un chanteur et aussi comme un animateur. Et tout ça fait qu'en Italie, il devient une énorme vedette en très peu de temps. Avec un côté très loufoque, parce qu'il faisait semblant de se casser la figure en entrant sur les plateaux. Voilà, exactement. Il y a un côté très, très burlesque chez lui, qu'on retrouve dans sa musique. Hein. Tout ça est vraiment lié. Et c'est toujours pareil avec lui. C'est vraiment cette espèce de schizophrénie qu'il aura toute sa vie. C'est qu'en même temps, il est dans un truc très burlesque. Sa musique l'est, son attitude l'est, parfois lorsqu'on voit des scopitones de l'époque, lorsqu'on voit les photos. Oui, les scopitones des Cornichons ou de Mirza. Voilà, c'est extrêmement drôle, mais un petit peu, on va dire, oui, dans un burlesque un peu pour enfants, quoi. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une profonde envie d'appartenir à la culture de son pays, de ses pays d'une certaine manière, à la fois en Italie et en France. Il a envie d'inscrire son travail dans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sérieux. Et d'une certaine manière, ça lui est arrivé, puisque des chansons comme La Rua Madureira, comme La Maison près de la Fontaine ou comme Le Sud, qui sont des chansons plutôt dans une veine mélancolique et beaucoup plus proche de ce qu'il aimait, ont marché, ont été des tubes. Donc, il a réussi ces deux choses-là. Il a réussi à être à la fois un personnage burlesque, chantant des chansons un peu idiotes, mais pas tant que ça lorsqu'on les réécoute attentivement, et chantant des chansons magnifiques que les gens reconnaissent comme étant des classiques aujourd'hui. Donc, il a eu ces deux choses-là, et malgré ça, il en était insatisfait, ce qui est quand même paradoxe. Au début des années 70, j'ai découvert qu'il y avait des Américains et des Anglais qui faisaient ce qu'on appelait des concept albums. Et moi, jusqu'à ce moment-là, j'avais fait des 45 tours, qu'ensuite en compilé en album. Et ça a été une révélation pour moi. Et je crois même me souvenir que il s'agissait du groupe Blood, Sweat and Tears au début des années 70. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier concept album qui s'appelait Métronomie. Et il a été véritablement jeté. On en a extrait une chanson qui était La Maison près de la Fontaine, mais le reste de l'album a été jeté. Et moi, je me suis rebellé alors à ce moment-là, parce que c'était un bel album. J'en étais conscient et j'en suis encore plus conscient maintenant. Mais on a le droit de se rebeller contre, vous savez, le marketing, les choses du marché, les maisons de disques. On a le droit le plus formel et j'en suis la preuve vivante. Mmh. Mais ça... Ça complique la vie, oui. Vous regrettez pas, mais ça complique la vie. Ah, ça complique considérablement la vie, mais en même temps, ça donne un sentiment tout de même de satisfaction. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour, il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir, avec les petites filles. La chanson qui s'appelle La maison près de la fontaine, qui est un peu comme le petit jardin de Dutronc, c'est un peu la même époque, quoi. C'est vraiment ces gens qui vivent à Paris ou en banlieue parisienne et qui se rendent compte qu'une certaine France est en train de disparaître. C'est un peu nostalgique par moments, c'est même un peu réactionnaire, c'est de dire voilà, c'est un peu la France qu'on aimait, celle de Charles Trenet qui disparaît, et sont en train d'arriver les bulldozers, les HLM, les supermarchés, tout ça. Et cette chanson dénonce à la fois ce côté violent, des pots d'échappement, de tout ce qu'on veut, mais aussi une certaine France qui a disparu, quoi. Et d'une certaine manière, pour lui, c'est aussi l'éloignement de l'enfance, d'une certaine douceur comme ça qu'il avait de son enfance. Et dans l'album, Métro de Mie raconte un peu ça, musicalement, en utilisant des formes beaucoup plus proches de ce qu'était le rock de l'époque. Alors, beaucoup plus de guitare, beaucoup plus d'orgue, mais un orgue différent de celui de Manu Dibango ou de Bernard Estardi dans les tubes Rhythm and Blues. Là, c'est beaucoup plus proche, effectivement, de la pop au sens large du terme, de Pink Floyd, de tous ces groupes-là, voire de Genesis, des débuts de Genesis, ou de ce genre de groupes anglais qui ont joué comme ça sur les atmosphères plus que sur la composition des chansons. Et ça donne donc un disque comme Métronomie, qui est quand même un peu un ovni dans le paysage de l'époque en France, même s'il y en a d'autres, mais enfin celui-là en est un assez remarquable. Bon, là, il y a quelques années, Radio Nova a mis Cannabis dans sa playlist. Et bon, beaucoup de gens ont découvert ce morceau qui était sur cet album. Mais l'album, il faut l'écouter de A à Z, parce que c'est vraiment une œuvre en soi. Et je crois que ça a été une de ses grandes frustrations, et donc rébellion contre le show business français, de ne pas le considérer comme un artiste en tant que tel, avec sa manière de faire son œuvre, qui n'était pas toujours ou le téléphone ou Mirza pour faire rire tout le monde. Bon, il avait aussi l'aspect du sud, de la maison près de la fontaine, mais il ne supportait pas les étiquettes. Et il avait toujours l'impression qu'on voulait toujours lui mettre une étiquette et qu'on ne comprenait pas dans son entier, c'est-à-dire dans sa démarche entièrement artistique. Et du coup aussi, c'est aussi, je me souviens de le mot variété, par exemple, était un mot que Nino détestait. Et en fait, il n'aimait pas ce mot parce que pour lui, c'était une étiquette et qu'il, par exemple, lui, l'a associé dans les années 60 avec les Salut les copains, et que lui s'est toujours senti un petit peu... Il ne faisait pas partie de la bande. Cette étiquette variété, pour lui, ça voulait dire variété française. C'était le contraire, justement, d'un concept album. C'était vraiment des chansons comme ça, les unes après les autres. Mais finalement, quand on écoute l'œuvre de Nino, elle est très variée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Il y a toutes sortes d'influences musicales, d'écritures. C'est vraiment... Ça part dans plein de sens différents. C'est infini, d'ailleurs, tout ce qu'il y a comme influence musicale. Et donc, finalement, la variété pourrait lui convenir aussi. Mais je comprends, pour lui, ça avait une connotation un peu péjorative. La crasse et le vide, yeah. La gueule et l'angoisse, yeah. La guerre au métèque, yeah. Nègre, juif ou chien, ça me... neige. Sticky, trip et joint. Nino Ferrer, vous savez ce que c'est que la valeur de l'argent ? Bien sûr que je le sais ce que c'est, puisque je suis quelqu'un qui n'avait pas d'argent en commençant et qui en a gagné pas mal à un certain moment. Je dis pas mal, pas beaucoup, hein, parce que c'est surtout justement les maisons de disques qui s'en sont mis dans la poche sur mon dos, comme ça se passe habituellement. Hein. L'argent n'a aucune espèce de valeur, c'est-à-dire ce qu'il y a de la valeur dans la vie, c'est ce qui la remplit, la vie. C'est la passion qui vous anime, c'est la chose qu'on fait avec amour et passion, et les gens qui sont autour de vous, les gens qu'on aime, c'est ça qui remplit la vie et qui la rend complètement géniale. C'est pour ça que vous fric, avez... Ouais. Le fric, bon, évidemment c'est génial de gagner du fric, mais encore faut-il, en ce qui me concerne tout au moins, être satisfait de la façon dont il est venu. Parce qu'effectivement, moi, si j'avais été Vespasien, eh bien, moi, j'aurais dit qu'il puait ce fric-là. Le fric, vous le connaissez, l'histoire. Hein, oui, oui, oui. L'empereur Vespasien, à Rome, qui a fait fabriquer des édicules, des pissotières, disons le mot, n'est-ce pas, pour à paiement, n'est-ce pas, et il disait, il faisait sentir l'argent en question, les sesterces, et disait, putainte. Non, non, non, putainte. Eh bien, si, pour moi, putainte, putainte terriblement tout le temps, tu vois. Alors, moi, je veux que le fric, il putainte pas. Et avec les médias, qu'est-ce que vous leur reprochez ? Ouh, on va pas s'embarquer dans ça. Oh, mais si, là, on non, va, non, on embarque. Vieux... Oh, non, vraiment, non. Nino Ferrer, dû vous lire un peu ce que disaient les médias sur vous. Ah, caractère de râleur, écolo à la noix, routard farfelu, baba en herbe, marginal un tantinet zonard, rocker poète, guéluron accumulant les comebacks. C'est sympathique, dites donc. Très sympathique. Je peux répondre ? Oui, oui, oui. Vous êtes en deux mots ? Oui, oui. Je les emmerde. Yann Verret, quel regard vous portez-vous sur les rapports que pouvait entretenir Nino avec les médias ? Le souvenir que j'en ai, moi, c'est une grande incompréhension. D'abord, Nino avait quitté Paris. Et à l'époque, maintenant ça se fait, tout le monde quitte Paris. À l'époque, il était très précurseur. Hein, il est parti à fin des années 70, il a quitté Paris. Et vraiment, il y avait cette chose de dire, il s'est retiré. Non, il ne s'était pas retiré, il était simplement parti vivre ailleurs qu'à Paris. Mais... Oui, parce que ça a été vécu par beaucoup comme un exil. Enfin... Exactement, exactement. Et ça vraiment, c'est comme si on lui en voulait un peu d'être parti. Moi, je le ressentais aussi, même les médias, la manière dont on lui posait les questions. Bon, il y avait cette chose-là. Il y avait aussi le fait que, effectivement, souvent, on attendait de lui de refaire des téléphones, des Mirza. On essayait toujours de lui coller une étiquette. Et comme effectivement c'est un homme multiple, un musicien qui partait dans des directions très différentes selon ses influences du moment, ses émotions du moment, et il avait vraiment ce sentiment d'incompréhension. Par exemple, enfin moi j'ai un souvenir dans les années 80, 83, où il devait donc passer à l'Olympia. Il a fait une interview avec un journaliste de l'AFP et il lui a transmis sa frustration de ne jamais être passé au grand échiquier de Jacques Chancel. Et il a cité des noms comme ça de gens qui ne le faisaient pas passer dans ses émissions et qu'il ne pouvait jamais annoncer quand il allait faire un concert, qu'il se sentait vraiment comme banni des médias. Chancel, Drucker, je crois, pour ne pas les citer. Je ne citerai aucun nom, non, mais enfin, moi ça m'est égal, mais c'est vrai que oui, il a cité vraiment plein de noms, et dont effectivement Chancel et Drucker, qui à l'époque étaient sur la 2. Et donc, à la suite de ça, le lendemain, il devait faire une émission au journal sur la 2 pour annoncer son concert unique à l'Olympia en décembre 83. Donc, c'était une chose très rare que Nino passe à Paris. Et on lui a refusé le passage à l'antenne en expliquant clairement qu'il avait dit du mal de certains collègues sur cette chaîne et que c'était inadmissible et qu'il ne passerait pas. Donc, effectivement, à l'époque, on a essayé de parer au plus pressé pour que la salle se remplisse. Et on se souvient d'affichage sauvage. Nous avons fait des commandos d'affichage sauvage dans tout Paris avec l'affiche de Franck Margerin qui illustrait l'album Rock'n'Roll Cowboy. Et finalement, la salle a été pleine et ça a été un très gros succès. Mais avec des grosses angoisses avant, parce que c'était pas évident de remplir la salle sans aucune communication médiatique. À l'époque. Donc pour Nino, je pense que ça a été quand même une barrière pour faire écouter sa musique, parce que ce qui l'intéressait surtout, c'était de vibrer, comme il disait, de vibrer avec les gens sur sa musique. Il voulait partager ses émotions. Vraiment, c'était quelque chose de très important pour lui. Et il se sentait donc frustré de ne pas pouvoir le faire à travers les médias. Je pense qu'il aurait été très heureux s'il avait suivi l'évolution Internet, même s'il y a un problème de droit d'auteur. Mais au niveau de la diffusion de ce que l'on fait, c'est quand même un moyen qui fait un petit pied de nez au petit monde du show business. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années, et toujours en été. C'est quelqu'un qui est insatisfait de nature. Et une grande partie des explications de son suicide remonte à une espèce de frustration permanente chez lui, notamment par rapport à son travail de musicien, mais pas seulement, aussi dans sa vie personnelle, qui ont fait qu'à un moment, voilà, tout ça a débordé. Lui-même se sentait à la fin, une expression qu'il emploie, quand il en parle notamment à son fils, il dit « je suis plein comme un œuf ». Et l'histoire du Sud est quand même assez symptomatique de Nino Ferrer, c'est-à-dire que ce morceau qu'il avait voulu d'abord faire en anglais, qu'il a enregistré en anglais... Avec Radia, qui était donc une version totalement différente sur l'album The South, donc le Sud. Il refait cette version à la demande d'un directeur artistique en français, alors qu'il s'y était refusé jusque-là. C'est Bernard Estardi, finalement, qui trouve les arrangements, ce qui a fait que cette chanson a marché. Et même après en avoir vendu des camions entiers, il retourne à Londres pour en refaire une version avec Paul Buckmaster, qui était le producteur d'Elton John à l'époque, parce qu'il avait envie de supprimer cette version sur laquelle les gens se précipitaient, notamment pendant l'été 75, qui était un tube énorme. Lui, il voulait refaire une version. Donc au moment où il arrive, il est numéro 1, c'est la gloire lui tombe dessus. Eh ben non, il peste dans son coin, il a envie de refaire ce morceau parce qu'il ne l'aimait pas, parce que voilà, il trouvait ça trop variété, etc. Là, on est en 75, et d'ailleurs, l'album d'après, qui vendra à peu près 10 ou 15 fois moins, s'appellera Véritable Variété Verdâtre, parce que il y avait le côté un peu gluant de ce qu'on lui avait fait faire avec le Sud. Enfin, c'est quelqu'un qui se saborde en permanence, y compris musicalement. Qui est dans une envie comme ça de toujours s'autodétruire. Je ne sais même pas s'il va être là. C'est quoi ? C'est un cahier sur lequel il écrivait ses textes. Vous voyez, là, il y a marqué Nino Ferrer, 13e album, et Arche de Noé, 1986. Alors, ça, c'est janvier 86. Donc, il a écrit ce texte en italien pour un disque qui est sorti en italien. C'est des petits dessins aussi. Là, c'est le texte de Sodome et Gomorre, été 1984. L'année de la comète. Vous voyez, il était précis, 3-6-84 aussi. Ah, c'était son carnet de travail, quoi. Ah oui, il y a un truc qui est marrant, d'ailleurs, là, je me souviens. Il nous avait demandé à tous, quand il a écrit le texte Le Bonheur, qu'est-ce que c'était que le bonheur pour chacun de nous. J'aimerais bien le trouver, parce que c'était sympa. Et il avait collé une petite... Un trèfle à quatre feuilles qui s'est décollé, là, en fait. Voilà, homo bonheur, qui nous a répondu, d'accord. Arthur, allez où on veut. Maman, la joie. Diane, éphémère. Pierre, la vie. Delphine, ça vient pas comme ça. Mickey, happiness. Joël, le paradis. Jean-Bernard et moi, je t'aime. au mot bonheur. Est-ce que vous croyez que c'était quelqu'un qui était apte au bonheur, Nino? Ah oui, complètement. Complètement. Et de toute façon, moi, à moi, il m'a dit que je lui avais apporté le bonheur. Alors, non. Ah oui, c'était un très bon vivant. Hein. Bon, il était. C'était un angoissé. Souvent, il était déprimé. Mais je me souviens, quelquefois, il se réveillait le matin déprimé. Et puis, bon, moi, je partais faire les courses. Et quand je revenais, il était avec sa guitare, quoi. Donc. Non, c'était vraiment un bon vivant. Un mec qui adorait la vie, qui appréciait la vie, qui était heureux de vivre. Mais bon, il y a des moments où il était déprimé, oui, c'est sûr. Ce cantarbre noir, ce ciel plein de fumée, devant ma fenêtre, aux vitres embuées. Ce feu qui brûle et craque, ses reflets sur ses murs, le parfum de ses fleurs sur ses meubles obscurs. Et le bruit de ses gouttes de pluie qui claquent sur les toits, la nuit. C'est un décor que tu connais, peut-être t'en souviendras-tu. Rappelle-toi la cheminée, les livres si souvent relus. Rien n'est changé. D'une certaine manière, Nino Ferrer a toujours dit qu'il se suiciderait, comme beaucoup de gens, un peu romantique. Ça fait partie des choses qu'on dit quand on est adolescent ou jeune adulte. Ça fait partie d'une certaine littérature romantique aussi. Évidemment, on ne prenait pas ça très au sérieux à l'époque, même s'il y avait des signes dans des chansons et dans certains textes. Mais quelle chanson vous pensez ? Ma vie pour rien, par exemple, qui est une de ses premières chansons. Et quand on intitule une chanson Ma vie pour rien, c'est sans doute que voilà, ça veut dire quand même des choses. D'une certaine manière, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours fait preuve d'une grande exigence. Donc forcément, à un moment où il s'aperçoit qu'artistiquement, il n'a plus les moyens de faire ce qu'il a envie de faire, d'une certaine manière, ça ressurgit sur toute sa vie. Et vers la fin, il nourrit comme ça quand même une forme de colère, d'acrimonie vis-à-vis du monde, en tout cas du monde de la musique, dont il se sent un peu exclu. Et c'est un des paramètres qui va faire qu'à l'arrivée, il va se donner la mort. C'est qu'il sait aussi que voilà, les choses ne se produiront plus comme il a envie qu'elles se produisent. Et ça, c'est quand même assez dur pour lui. Et alors il y a aussi cette image qui reste comme ça de cet homme qui se donne la mort dans un champ de blé. On pense évidemment à Van Gogh ou... Alors il se trouve que tout ça c'est des éléments qui a posteriori peuvent être mis en perspective par rapport à son suicide, mais il se trouve que Maurice Pialat avait pensé à Nino Ferrer pour le rôle de Van Gogh. C'est une image très très douloureuse, mais quand j'y pense, parfois je pense peut-être à un trop-plein d'amour qui partit dans une explosion. Et puis c'est vrai que cette image de lui dans ce champ fait penser à beaucoup de gens, à Van Gogh. Peut-être ce côté un peu suicidaire qui était présent dans Nino toute sa vie, je crois. C'était Nino, le malentendu. Merci à Kinou, Pierre et Arthur Ferrari, l'épouse et les fils de Nino Ferrer. Merci également à Manu Dibango, musicien et ancien chef d'orchestre de Nino. À Diane Verret, pianiste, choriste et ingénieur du son de Nino. Christophe Comte, journaliste musical, co-auteur de Nino Ferrer, du Noir au Sud, aux éditions numéro 1. Mixage, Rémi Fessard. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 10 septembre 2011. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout.